Lépreux de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Lépreux. En un très vieux manoir avec des javelots et des pennons lancéolés sur ses murailles, une rage de bataille, rouge, éclatait en tableau. Grandir, on y voyait les féroces ramures de la mêlée ou des paladins merveilleux, avec du soir au fond des yeux, tombés, allongés morts en leur chasse d'armure. Hélas, tous ces cerveaux qui rêvèrent de gloire, fendus, et tous ces poings, coupés, traceurs d'éclairs, avec dans l'air leurs glaives clairs, et leurs aigles de casque éployés dans l'histoire. Hélas, et la débâcle à travers leurs maisons, le deuil de la débâcle en des nuits de tuerie, et les funèbres sonneries cassant la destinée en or de leur blason. Pourtant, qu'ils soient tombés en corps à corps ardents, ramus de force et les 10 doigts onglés de haine, et la bouche folle et soudaine, et le sang frais marbrant leurs dents. Et contre la forêt fourmillante de lances qui s'avançait, qu'ils aient le désespoir au clair, lourde masse d'ombre et de fer, terrible bras d'acier, cogner leur violence. Qu'importe alors, ils ont senti la joie unique d'exprimer l'être humain en sa totalité, de hargne et de brutalité, jusqu'au tressaut dernier de la mort tétanique. 1889. Fin de Lépreux.